fait de trop longs discours, de ceux-là qui te feront oublier les mots d'amour. Dis-toi que quelque part existent encore des jours heureux. Pourquoi ne pas s'asseoir dans ce monde si on est deux? Viens vivre ta vie belle, tu en as envie. Chante, vivre ta vie. Danse, tu en as envie. J'aurais pu te donner, je sais, des océans d'exil. Mais la sincérité, la vraie, n'est pas chose facile. Essayez d'ignorer le temps si souvent, au travers des années usées, toute voile au vent. Viens vivre ta vie belle, tu en as envie. Chante ta vie, danse, tu en as envie. Alors un peu à moi, écoute cette voix qui te dira pourquoi, même si c'est juste pour un soir. Allez, viens vivre ta vie belle, tu en as envie. Chante, vivre ta vie.